إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، donc on est à même inshallah de commencer un nouveau cours entre nous qui est Usul Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, expliqué par Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh Rabi' il commence en disant: فإن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام إذ هي أصل الإسلام وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. Donc Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala il commence son explication de ce grand livre et de ce très important épître qui est les fondements de la sunna de l'imam Ahmed rahimahullah, et on va voir pourquoi dans un instant inshallah, en disant: la louange est à Allah, nous le louons et implorons son aide et nous demandons son pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nos propres méfaits ou les méfaits de nos âmes et nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah seul sans rien lui associer, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et donc comme j'ai dit, Cheikh Rabi, il commence l'explication de cet épître par une introduction, et il dit: la croyance islamique avec laquelle sont venus tous les messages occupe une place importante en islam. Et la raison, elle est là, car elle constitue le fondement de l'islam, et elle est la mesure qui permet de distinguer la bonne religion de la mauvaise. Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى il continue en disant: ومن هنا اهتم علماء الإسلام علماء أهل السنة والجماعة ببيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. Donc Cheikh Rabi' il continue حفظه الله تعالى en disant: la croyance islamique, comme je l'avais déjà dit précédemment, avec laquelle sont venus tous les messagers, tous les messages occupent une place importante en islam. On avait déjà donné la raison, car elle constitue le fondement de l'islam et elle est la mesure qui permet de distinguer la bonne religion de la mauvaise. Et c'est pour cette raison que les savants de l'islam, les savants des gens de la sunna du consensus, Ahl sunna wal jama'a, ont donné de l'importance à la mise en évidence et à l'explication de cette croyance, et au fait d'y appeler et de la défendre. Évidemment, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Il est en train de montrer l'importance d'écrire ce genre de livres par rapport à l'écrit de l'imam Ahmed, et puis de les expliquer et de les faire étudier aux gens, de les faire connaître aux gens et d'y appeler. Cheikh, il dit, ils ont écrit à ce sujet de nombreux ouvrages et ont consacré une grande partie à cette croyance dans d'autres ouvrages. Il va citer quelques exemples. Il y en a certains que vous connaissez déjà. Qui sait par exemple citer un ouvrage qui n'est pas à la base un ouvrage d'Aqida, mais où il y a une grande partie ou beaucoup d'Aqida parmi les livres les plus connus, par exemple Sahih al-Bukhari, c'est un de ceux qui va citer Sahih al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il y a dans Sahih al-Bukhari? Quel chapitre par exemple qui est consacré à la foi ou à la croyance, hein? Il y a Kitab al-Iman, Kitab al-Tawhid, un autre aussi, l'I'tisam, Kitab al-I'tisam. Il va le citer dans un instant inshallah. Il dit: ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة فمن المؤلفات السنة. السنة de qui? Il y en a plusieurs des sunnas, mais par exemple de qui? Naam. Qui d'autre? Naam, Ibn Abi Asim. Qui d'autre? Il y en a qui est très très connu. Al-Khalal. Il y a Sharia de qui? La Jurri, Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a, ou plutôt Ahl Sunnah. C'est un, hein? Un nom un peu difficile à prononcer, mais. Al-Laka'i, Al-Ibana, ou bien les deux Ibana, Ibn Batta. Donc, Cheikh, il dit: وَلَقَدْ أُلِفَتْ فِي ذَلِكَ الْكُتُبَ السَّغِيرَةَ فَمِنَ الْمُؤَلَّفَاتَ السُنَّةَ لِعَبْدِ بْنِ أَحْمَدَ فِي هَذَا الْمَجَالِ وَالسُنَّةَ لِلْخَلَّالِ وَالشَّرِيعَةَ لِلْآجُرِّي وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي والإبانتين، c'est-à-dire les deux إبانة. Pourquoi il dit الإبانة les deux؟ أحسنت، الكبرى والصغرى. la grande Ibana, si vous voulez, et la petite Ibana. Tout ça, c'est des livres dans la croyance des gens de la Sunna. وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء إلى أيضا لا غزون لعلم هؤلاء الأجلة بمنزلتها ومكانتها وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر قد يكون ذلك الانحراف كفرا وقد يكون بدعة وضلالة وقد يكون donc Cheikh Rabi حفظه الله تعالى il continue en disant Ils ont écrit à ce sujet de nombreux ouvrages et ont consacré une grande partie à cette croyance dans d'autres ouvrages ou dans les autres ouvrages. Des petits et des grands ouvrages ont été écrits à ce sujet, parmi lesquels la Sunna. Essayez de retenir les noms. La Sunna de Abdullah ibn Ahmed. C'est qui Abdullah ibn Ahmed ? Ben c'est le fils de l'imam Ahmed dont on est en train d'étudier le livre, ou en tout cas on a commencé aujourd'hui. La Sunna de Al-Khalal, Al-Shari'a de Al-Ajuri. شرح اعتقاد أهل السنة الألكائي إلى دو إبانة لا غراند لا بتيت الإبانة الكبرى وإبانة الصغرى دو ابن بطة لدوتر encore parmi les ouvrages qui ont accordé de l'importance à la croyance الشيخ il continue en disant ومن هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها et c'est pour ça qu'on a décidé entre nous d'étudier ce livre ou plutôt qu'on a décidé d'étudier ce livre entre nous et il dit Et ce, car les illustres savants connaissent sa position et son statut et savaient que celui qui dévie dans un point de cette croyance ou dans un de ses fondements est en danger. Cette déviance peut être une mécréance et peut être une innovation, une bid'a, et un égarement, et il se peut, hein, ça peut être différentes choses. Et c'est pour cela qu'il est obligatoire aux étudiants en sciences islamiques d'accorder de l'importance à l'étude de cette croyance et de ses fondements sur lesquels elle tient. الشيخ الدي سأرجو أن كل فخاري دي زيت خجستمو ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري رحمه الله قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد وهذه كلها عناية بالعقيدة وأصول الإسلام وكذلك أبو داود في كتابه السنة من كتابه السنن في آخر الكتاب donc on va le voir dans un instant que Abu Daoud il a écrit un livre très important dans le hadith qui est considéré parmi les six livres de la sunna ce qu'on appelle les six livres de la Sunna, et c'est Sunan Abi Daoud, qui porte d'ailleurs son nom, les Sunan d'Abu Daoud, Sunan pluriel de Sunna. Et dans Sunan, il a consacré un chapitre qu'il a appelé As-Sunna, où il traite de la croyance. Et c'est pour ça que Cheikh dit, et peut-être savez-vous aussi qu'Al-Bukhari, rahimahullah, a consacré un livre dans son authentique appelé, et quand on dit livre ici, c'est plus chapitre, hein? Un livre ou un chapitre, si vous voulez, qu'il a appelé livre de la foi, Kitab ou l'Iman. Il y a un autre livre du cramponnement, Al-I'tisam, et le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Hein, d'ailleurs, Charles Al-Taymin, il a fait l'explication de ces chapitres, entre autres, Charles Abbad qui a fait d'ailleurs tout le Bukhari, et d'ailleurs tous les six livres de la Sunna, le Kutub Sitta. Et tout ceci car il a accordé de l'importance à la croyance et au fondement de l'islam. Ainsi qu'Abu Daoud, dans son livre de la Sunna, dans son ouvrage As-Sunan, à la fin de cet ouvrage. Donc le chapitre là, il est plutôt à la fin de cet ouvrage qui est As-Sunan d'Abu Daoud. Et Cheikh, il continue en disant, « Wal muradu bis sunnah al-aqida wal-manhaj » Parce que certains, ils peuvent se poser la question, on dit, « Voilà, c'est un livre qui traite de l'aqida, or il s'appelle As-Sunnah. Pourquoi ?» Mais on avait déjà répondu à cette question dans un des cours précédents, et j'avais cité une parole de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidahullah, il avait donné 4 sens au mot sunna. Et parmi les sens du mot sunna, c'est quoi ? L'aqidah. La croyance. D'accord ? Un des 6 sens du mot sunna, c'est quoi ? C'est la croyance. Mais c'est pour ça qu'ici, il dit Cheikh, le sens de sunna, c'est la croyance et le manhaj, la voie. Et Cheikh, il continue, en muslim, كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات في العقيدة لأهميتها. D'ailleurs, quand vous regardez dans Sahih Muslim, et si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le premier chapitre de Sahih Muslim, c'est quoi? كتاب الإيمان, chapitre de la foi. Et Cheikh, il dit justement ici, ainsi que Muslim avec le livre de la foi par lequel il rejoint également ses ouvrages dans la croyance en raison de leur importance. Donc vous voyez que les ulama, ils ont donné beaucoup d'importance à la croyance islamique, soit en écrivant des livres de manière indépendante dans la croyance, soit en consacrant des passages, ou des passages entiers, ou des grandes parties de leurs livres, de leurs ouvrages, à cette croyance islamique. Cheikh, il continue en disant, « ومن الرسائل المختصرة التي أُلِّفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. ذلك الإمام الجبل العظيم جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز بها به أهل الحق والسنة عن أهل البدعة والضلالة. Cheikh, il rapporte un point très très important, et toujours de vous rappeler le long de l'étude de ce livre, l'importance de ce livre et l'importance de son auteur aussi. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'imam Ahmed, et aussi qu'on l'appelle l'imam des gens de la Sunna. Et Cheikh, il dit ici, « Parmi les épîtres résumés qui ont été écrits au sujet de la clarification de la croyance, il y a ce livre qu'a écrit Ahmed, l'imam des gens de la Sunna et du consensus, le Sunna wal Jama'a, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cet immense imam, cette montagne de sunnah, et de foi, et d'ascétisme, et de piété, et qui était une, si vous voulez, une jauge, une mesure, et une épreuve par lesquelles se distinguent les gens de la vérité et de la sunnah des gens de l'innovation et de l'égarement. Et Cheikh, il continue en disant, وَلَا يَزَالُ مَنْهَجُهُ مِحْنَةً إِلَى يَوْمِنَ هَذَا وَالْأُصُولُ الَّتِي قَارَعَ عَلَيْهَا وَصَارَ عَلَيْهَا لَا تَزَالُ مِحْنَةً لِلنَّاسِ إِلَى الْآنِ فَمَنْ شَذَّ عَنْهَا وَاللَّهِ قَدْ امْتُحِنَ بِأَحْمَدَ وَمَنْهَجِهِ وَعَقِيدَتِهِ. Cheikh, il continue en disant, et sa voix, sa méthodologie, par de la méthodologie de la voix de l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit, demeure encore jusqu'au jour d'aujourd'hui une épreuve, et les fondements pour lesquels il s'est battu et sur lesquels il était, sont encore aujourd'hui une épreuve pour les gens. Une épreuve pourquoi? C'est-à-dire pour distinguer les gens de la sunna des gens de l'égarement et du faux. Et Inch'Allah, un jour, on essaiera de consacrer un cours à l'histoire de l'imam Ahmed, à l'histoire de son épreuve de la mihna, et de comment il a souffert l'imam Ahmed pour sa défense de la sunna, rahimahullah. Le Cheikh, il dit, je jure par Allah que quiconque s'éloigne de ses fondements aura été éprouvé par Ahmed, sa voix et sa croyance. Ahmed était une épreuve. Il dit, كان أحمد محنة الذي ينال منه يدل على ضلاله وخبثه وشره والذي يعظمه يقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة لأنه ما يعظم ويبجل أحمد وغيره إلا من أجل السنة. إلا من أجل هذه السنة ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك الأوزاعي وغيرهم ما نبل ونبه في الأمة وعظم فيها إلى لتمسكهم بالسنة وباحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. Et ça, c'est un point important aussi à comprendre. Il dit, Hafidahullah, le Cheikh qui est Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah, parmi les savants contemporains qui est toujours vivant, qui habite à la Mecque, il dit, Ahmed était une épreuve, quiconque le critique montre son égarement et son mal et sa manilité. Et quiconque le respecte et l'estime, les gens sauront qu'il fait partie des gens de la sunna. Alors maintenant, il y a une chose qui doit vous arriver à l'esprit, à l'exemple de qui ici, au jour d'aujourd'hui. Hein, à l'époque, l'imam Ahmed, quand on voyait quelqu'un qui critiquait l'imam Ahmed, eh bien, on savait directement qu'il faisait partie des gens de l'innovation. Hein, exactement, Cheikh Rabi', le Cheikh lui-même qui parle, eh bien lui-même, il fait office d'épreuve, dans le sens de jauge, de mesure. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont les étendards de la sunna. Hein? Parmi les étendards de la sunna. Et spécialement Cheikh Rabi', dans la défense de la sunna et dans la science du jarh wa ta'dil, il est l'étendard, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et donc vous voyez, directement, quand quelqu'un n'aime pas et critique Cheikh Rabi', et ça c'est valable jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien quoi, vous savez directement que, hein, qu'il fait partie des gens de l'innovation et de l'égarement. Tandis que celui qui l'aime, et qui le défend, et qui répand son travail, hein, et qui le respecte, eh bien vous voyez quoi tout de suite que c'est quelqu'un qui fait partie des gens de la sunna. Et Cheikh, il donne la raison. Et la raison, elle est la même pour l'imam Ahmed, pour Cheikh Rabi' ou pour tout autre savant parmi les savants de la sunna. Et c'est important de comprendre ça pour savoir que les gens qui les critiquent, il faut faire attention, ils les critiquent pour une raison, et c'est quoi? C'est parce qu'ils veulent critiquer en fait ce qu'ils portent. Hein, vous connaissez la règle sûrement que les ulama disent, « At-ta'nu fil rawi, ta'nu fil marwi. » Hein? La critique du rapporteur, c'est une critique en fait de ce qu'il rapporte. Et c'est-à-dire pour ça que les Shia s'attaquent à qui? À Sahaba. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'attaquer à la Sunna d'une manière détournée. Parce que c'est les Sahaba qui nous ont ramené la Sunna, et ce sont eux qui nous ont apporté, qui ont été les porteurs de cette Sunna. D'accord? Et Cheikh, il dit justement ici, écoutez cette parole, il dit, car il n'estime, ni ne respecte Ahmed, ni autre que lui, que pour cette Sunna. Ahmed et ses semblables comme Al-Shafi'i et Malik et Al-Awza'i et d'autres n'ont acquis cette noblesse et n'ont acquis ce statut, hein, mais n'ont acquis cette noblesse et n'ont eu le mérite qu'ils ont eu et n'ont été estimés dans cette communauté que pourquoi ? Que pour leur attachement à la sunna. En la respectant et en y appelant et en la défendant. Et vous connaissez certainement déjà, en tout cas dans les grandes lignes, l'histoire de l'imam Ahmed, rahimahullah, et comment il a souffert, il a même été torturé, hein, rahimahullah ta'ala, qu'Allah le récompense par le Firdaus al-A'la. Et c'était quoi l'époque de la mihna? C'était que la fitna de quoi? Khalq al-Qur'an. C'est que les mubtadi'a, ils ont voulu faire dire à l'imam Ahmed que le Coran était créé. Or, le Coran est la parole d'Allah. C'est ça la croyance des gens de la sunna, c'est que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Kalamullah ghir makhlouq. Et Cheikh, il continue, il dit fa'arifu qadra sunna. Et vous voyez encore une fois, ça c'est le style de Cheikh Rabi, il a toujours cette défense, vous sentez cette défense de la sunna. Il est certainement un lion dans cette défense de la sunna. Hafidahullah ta'ala. Fa'arifu qadra sunna. يعرفوا أو يعرفوا عفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا خطاهم فإنهم الله كانوا على هدى مستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون فعليكم بهذا ادرسوا هذا الكتيب الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة لأن هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. Cheikh, il dit, connaissez donc la valeur de la sunna. Et connaissez ces gens et leur mérite. Et attachez-vous à leurs pas et à leurs voies. Car par Allah, donc Cheikh, il jure par Allah, il dit, ils étaient sur une voie droite. Ils suivent le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la voie des nobles compagnons. Et à leur tête, les califes bien guidés. Apprenez donc la valeur de la sunna. Apprenez ce petit livre, qui est ici, le livre de quoi? Des fondements de la sunna, Usul al-Sunna de l'imam Ahmed, rahimahullah. Que nous allons sûrement voir de manière rapide, car ceci est le système des colloques, des conférences, ad-dawrat. Donc vous comprenez ici que Cheikh Rabi, il a enseigné ce livre-là, dans une dawra, et c'est pour ça que c'est un livre qui est quand même assez résumé, il fait un peu moins de 100 pages. Et il y a d'autres savants qui l'ont expliqué, Cheikh Falah Ismail, on l'a fait avec lui ici dans cette mosquée, hein. Il y a Cheikh Sohimi aussi que vous pouvez trouver sur internet même en vidéo. Il y a Cheikh Nejmi qui a été imprimé aussi. Il y a Cheikh Al-Fawzan, si je ne me trompe pas aussi. Cheikh Abel Jabiri. Il y a pas mal de savants qui ont expliqué. Il y a parmi eux, il y a Cheikh Ahmed Bazmoul aussi qui a expliqué ce livre-là que vous pouvez trouver sur internet. Il y a pas mal de chouurs qui ont expliqué ce livre qui est un livre de référence pour les gens de la sunna. Il dit. Car ceci est le système des colloques, des conférences où il ne convient pas de détailler. C'est-à-dire que dans le sens où il va faire de manière un charh, une explication de manière résumée, et il dit ça de manière plus complète après, il dit, il nous suffira de lire, incha'Allah, de le lire, en y apportant quelques remarques selon la capacité. Et Cheikh, il termine cette introduction par une invocation, et il dit, « وَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُفَقِّهَنَا فِي دِينِهِ وَأَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّكُمْ سُبُلَ الْهَوَى وَالضَّلَالِ وَيَنْفَعَنَا بِهَذَا الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْإِسْلَامِ وَلَا سِيَّمَا كُتُبِ الْعَقِيدَةِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Donc Cheikh, il termine par cette dua et il dit, j'implore Allah qu'il nous fasse comprendre sa religion et qu'il nous affermisse sur la voie droite et qu'il nous préserve ainsi que vous des voies des passions et de l'égarement et qu'il nous fasse bénéficier de ce livre et d'autres parmi les livres de l'islam, surtout les livres de croyance, la croyance des gens de la sunna et du consensus aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Maintenant on va rentrer plus de manière plus directe dans le livre après avoir terminé cette introduction et le premier chapitre c'est atamassuku bima kana alayhi as-sahabatu wal iqtida'u bihim. قال الإمام اللكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار الشيخ سهيمي قال expliquer son il a fait l'explication de Usul Sunna c'est ce sanad là qu'il a rapporté également قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول. Donc en fait ici vous devinez que quoi? Qu'il a rapporté la chaîne de transmission de ce livre. Hein, pour prouver quoi? Une fawaïd de ça. Abu Khadjal en avait parlé dans le Ha'iya aussi. Hein, la fa'ida d'étudier ce point-là et cette chaîne de transmission-là, c'est quoi? Mais c'est de savoir que c'est bien l'imam Ahmed qui l'a écrit. Et qu'il n'y ait pas des gens qui viennent commencer à vous mettre des doutes. Ils disent, ouais, mais c'est pas sûr que c'est l'imam Ahmed et c'est pas sûr que ce soit lié, etc. D'accord? Donc, Cheikh, il dit, on va le lire, c'est important de le lire aussi en français. L'imam La'laka'i, dont on a rapporté le nom tout à l'heure, qu'on a parlé de son livre, qui est Sharh Usul et I'tiqad Ahli Sunnah. Qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Ali ibn Muhammad ibn Abdillah Sukari nous a informé, haddathana, ou plutôt akhbarana ici, disant, Uthman ibn Ahmad ibn As-Samak a dit, Abu Muhammad al-Hassan ibn Abdul Wahhab ibn. Alors une petite, vous voyez la précision des muhaddithines, ou des gens en tout cas du hadith et de la sunna, ce ibn, juste ce ibn ici, c'est un rajout de la copie de Cheikh al-Albani, rahimahullah. Hein? Vous voyez que quand il y a quelque chose dans le hadith et dans les chaînes de transmission, Cheikh al-Albani n'est jamais très loin, rahimahullah. Hein? Ce grand défenseur de la sunna, ce lion de la sunna, qu'Allah lui fasse miséricorde. Comme cela est écrit dans la vérification de ce livre, c'est-à-dire qu'il y a un tahrir de ce livre, de Usul Sunnah, qui est un tahrir de Cheikh al-Albani, rahimahullah. Et comme on va le voir, Cheikh al-Albani, il a trouvé un manuscrit de ce livre-là, il l'a recopié de sa propre main. Donc, je reviens un peu avant pour que vous suiviez. Abu Muhammad al-Hassan ibn Abdul Wahhab ibn, donc là, ibn, vous savez, c'est qui l'a rajouté. Abi al-Ambar nous a informé, au moyen de la lecture de son livre, au mois de Rabi' al-Awwal, de l'an 293 de l'Hégire, en disant, hein, vous voyez la précision, c'est l'importance de la date. Hein? Abu Ja'far Muhammad ibn Sulayman al-Manqari al-Basri, à Tinnis, je suppose que c'est un endroit qui s'appelle Tinnis, d'accord, nous m'a informé en disant, Abdous ibn Malik al-Attar, et c'est ce que Cheikh Sahami dit, c'est riwayat, Abdous ibn Malik al-Attar, m'a informé en disant, j'ai entendu Abu Abdillah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal, quand il lui fasse miséricorde, dire, et puis à votre avis, qu'est-ce qu'il a rapporté? Et maintenant, on va lire le livre en tant que tel. Usul sunnati indana atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wal iqtida'u bihim wa tarku al-bida'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun wa tarku al-khusumati wal julusi ma'a ashabi al-ahwa wa tarku al-mira'i wal jidali wal khusumati fi ad-din. Donc on va déjà s'arrêter jusqu'ici, puis Cheikh Rabi va expliquer, on va travailler comme ça. Donc l'imam Ahmed parle maintenant. Donc chaque fois on revient à la parole de l'imam Ahmed qui est l'auteur, et la parole de celui qui explique, Sharih, c'est Cheikh Rabi'. Donc on avait un ramz, un code qu'utilisent beaucoup les chouyours pour le Mousannif. Le Sharih, c'est quoi? Ou bien le Matin et Sharih, c'est quoi? Tout simplement deux lettres, Sad et Shin, ou bien Mim et Shin. Quand vous voyez le Sharih de Cheikh Obeid al-Jabiri de Usul Talata, vous voyez Mim, c'est quoi? Le Matin. Parce que c'est un matn, et Shin al-Shari'ah, c'est-à-dire lui-même. D'accord? Les fondements de la sunna sont chez nous. S'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à les prendre pour modèle, et à délaisser les innovations religieuses. Quand on parle d'innovation à chaque fois, évidemment, on parle des innovations dans la religion. C'est pour ça que l'imam Shatibi Ibrahim Allah, dans son livre Al-Itisam, il a dit que la définition de la bid'a, qui est une des définitions les plus complètes de la bid'a, dans l'Ihtisam, il a dit tariqun ou tariqatun mukhtara'atun fi ad-din. Mukhtara'atun fi ad-din, dans la religion. Car toute innovation est un égarement. Et si vous voulez revenir à l'explication de cette définition de Shatibi, rahimahullah, eh bien, Cheikh Sahimi, encore une fois, c'est en vidéo sur Internet, vous le trouvez très facilement. Je crois que c'est 4 vidéos. Il fait le Sharh de Usul Sunnah, 4 vidéos. Dans la première, il rapporte cette définition de l'imam Shatibi et il explique. Hein, il dit que مخترعه في الدين ليخرج به يعني quoi, les autres innovations يعني الدنياويه, c'est que c'est précis, on parle ici dans des innovations religieuses, des innovations dans la religion, car toute innovation est un égarement, évidemment par d'innovation religieuse, et à délaisser les disputes avec les gens des passions et à ne pas s'asseoir avec eux, tout ça c'est les fondements de la sunna, et de délaisser les disputes et les discussions et les polémiques au sujet de la religion. Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala nous explique ce passage en disant: Huna saqa al-La'laka'i isnadahu ila al-Imam Ahmad rahimahullah. يلتقي هذا الإسناد مع الإسناد الثاني، يعني هذه أوردها اللألكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته، هاتان نسختان وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر، ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله، وأظن أن هذه لها طريق آخر والله أعلم. Pour les frères qui ont le livre, je suppose toi tu as la même édition que moi, les autres qui ont la petite risala, vous devez normalement avoir aussi la, le sanad de Cheikh l'Albani en bas. On va déjà traduire ce passage ici avant de continuer. Donc l'explication de Cheikh Rabi' de cette première, de ce premier passage de Usul Sunnah de l'imam Ahmed. Il dit ici, Al-Lakai a rapporté la chaîne de transmission, ou sa chaîne de transmission, jusqu'à l'imam Ahmed. Cette chaîne de transmission rejoint la seconde. C'est-à-dire que celle-ci est rapportée par l'Al-Lakai, comme vous l'avez vu dans son livre, Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah. Comme elle a été rapportée aussi par Ibn Abi Ya'la dans ses tabaqat. Eh bien, ces deux copies, avec leur chaîne de transmission respective, si vous voulez, se renforcent l'une l'autre. Et ceci affirme l'appartenance de cet épître à l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam des gens de la Sunnah. Et qu'il n'y ait pas un qui vienne vous mettre des doutes au sujet de l'authenticité de l'appartenance de ce livre à l'imam Ahmed ou qu'il fasse partie des ouvrages de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. De même, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et ça devrait encore une fois augmenter notre amour pour ce noble Cheikh, cet imam de la Sunna. Hein, je vous rappelle que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, le considérait comme le mujaddid de cette époque, qui Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Hein. Et justement, cet amour pour lui devrait augmenter quand on entend des choses comme ça. Et en parallèle, quoi, la défense de ce shir-là par rapport à ce que les gens de l'innovation et de la Hizbiya disent. Et ça, c'est une chose que vous devez savoir. Ne critiquera Cheikh Al-Albani que quelqu'un qui fait partie des gens de l'innovation. Et légèrement. De même, Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a trouvé un manuscrit dans un recueil de la Maktaba al-Zahiriya qui est à Damas. Il a recopié de sa plume, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh, il continue en disant, et je pense que ce manuscrit a une autre voie, c'est-à-dire le manuscrit que Cheikh Al-Albani a trouvé dans Maktaba al-Zahiriya qu'il a recopié de sa propre plume, et bien Cheikh Rabi', il pense qu'il a une autre encore chaîne de transmission, ce qui va faire quoi? Ce qui va encore renforcer plus. Il dit, Cheikh, il dit, et Allah est le plus savant, il dit, on revient, Inch'Allah, aux chaînes de transmission afin de les comparer, on fera cela, Inch'Allah, si nous en avons l'occasion. ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. الشيخ continue en disant هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخلفاؤه الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم ولا سيما العقيدة فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يند عنها شيء من الإسلام وخاصة العقيدة. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici, hafidhahullah ta'ala, et qu'on le récompense par le Firdaus al-A'la, il dit, ici, après avoir rapporté la chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ahmed, quand il fait ce miséricorde, il dit, les fondements de la sunna sont chez nous. Et ça, c'est évidemment, comme on a dit déjà précédemment, le début du livre de l'imam Ahmed. S'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les frères qui sont ici un peu plus longtemps, ou même parfois des fois plus longtemps que moi, il y a Cheikh Falah Ismail qui, quand il a expliqué ce livre, il a apporté une faïda par rapport à ça. Pourquoi est-ce que l'imam Ahmed, il n'a pas commencé son livre en parlant du Coran et de la Sunna? Il a commencé directement par le troisième fondement, qui est quoi? Le fait de s'accrocher. Vous vous souvenez quand il avait parlé de ça? Qui sait nous dire pourquoi? Exactement, Hassan Zaklah Khiran Idris. C'est quoi? C'est que c'est là où il y a le point de divergence. Et c'est là où on voit les gens de la vérité et les gens de l'égarement. Parce que tout le monde revendique quoi? S'attacher au Coran et à la Sunna. Et là où se fait la différence, eh bien, c'est dans le troisième fondement, c'est le fait de s'accrocher au compagnon. Et donc, Cheikh Falah Ismail, je voulais vous rapporter cette faïda, il avait souligné ce point-là. Il avait dit, وَأُصُلُ سُنَّةِ عِنْدَنَا directement quoi ?« أَتَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلِيهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Donc, s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Rabi, il dit, donc, sur ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et la jauge, la mesure, la référence, si vous voulez, de ceux qui ont juste, al-muhiqqoun, qui s'accrochent à ce fondement, et c'est sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses nobles compagnons. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses nobles compagnons, et ses califes bien guidés, n'étaient que sur la voie de guidance, la voie droite. Sur la voie du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans leurs croyances et leurs actes d'adoration et leurs transactions, le mu'amalat. Et on avait déjà dit dans un cours précédent que le din c'est ça, il y a trois choses, c'est quoi? Ou bien des aqaïd, ou bien des ibadat, ou des mu'amalat, des croyances, des points qui touchent à la croyance, des actes d'adoration et des mu'amalat, des transactions si vous voulez. Et dans toutes leurs affaires, surtout la croyance. Cheikh dit, Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait allusion à cet immense fondement et cette règle fondamentale auquel aucune chose en islam ne fait exception. Et surtout la croyance. Il dit donc, et c'est quoi ce fondement-là? Eh bien c'est quoi? C'est le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est important jusqu'à la fin du cours, parce qu'on va rentrer un petit peu dans le deuxième chapitre. On ne va pas le terminer, mais en tout cas, jusqu'à une certaine partie du cours, c'est important de bien garder en tête aujourd'hui qu'on étudie les fondements de la sunna de l'imam Ahmed et qu'il dit les fondements de la sunna sont chez nous. Il commence par quoi? Le premier qui est, hein, on pourrait peut-être les numéroter, d'accord? C'est-à-dire le premier, c'est « At-tamassuku bima kana 'alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ». Il va continuer après ça, inshallah. Il dit les fondements de la sunna sont chez nous, s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez encore une fois. En opposition aux gens de l'innovation, car ils suivent leur passion. Cheikh il dit ici, فَيَقُولْ أُصُلُ سُنَّةِ عِنْدَنَا أَتَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى عُقُولِهِمْ الْفَاسِدَةِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْتَمِدُونَ عَلَى لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْقِيَاسَاتِ الْفَاسِدَةِ. أما الإمام أحمد ومن سلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في مجال العقيدة فهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله وفي ذلك الهدى المستقيم. Donc Cheikh il dit, حفظه الله, en opposition aux gens d'innovation, car ils suivent leur passion et se basent sur leur raison pervertie. Hein, qui fait partie d'ailleurs de leur fondement, c'est quoi? C'est la raison, de faire passer la raison avant les textes. Or, un des fondements déjà de la sunna, c'est le contraire, c'est de faire passer les textes avant la raison. Et ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la raison. Et quand les ulama disent, parce que Allah nous a donné une raison, c'est pour l'utiliser. Hein? Mais la raison qui est quoi? Qui n'a pas été corrompue par les égarements et les idées, les innovations et les fausses idéologies, etc. Mais la raison, elle nous sert à comprendre les textes, mais on ne donne pas préséance à la raison sur les textes. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Taymiyyah, dans Kitab al-Mantiq, si je me souviens bien, il avait rapporté une belle parole. Il avait dit que des fois, le fait de perdre la raison, c'est ni'ma pour une personne. Devinez pourquoi? Parce qu'il n'est plus mukallaf. Et peut-être que s'il était mukallaf, qu'est-ce qui se passerait? Hein? Donc vous voyez, hein, des fois. Donc il dit, ils se basent sur leur raison pervertie ou prétendent qu'ils se basent sur la langue des Arabes. Ça, c'est un argument qu'ils avancent souvent. Hein? Oui, mais la langue, tu dis ça, la sunna, elle dit ça, d'accord. Mais la langue des Arabes, elle dit ça. Hein? D'accord. Une petite faïda que Abou Khadjil en avait parlé dans la khutbah, dans la dawra la fois passée. Et c'est par rapport à l'istiwa. Qu'est-ce que certains disent? Que l'istiwa, c'est bima'na quoi? Hein? Istawa bima'na? Istila ou bien istawa bima'na istawla? Donc istiwa bima'na istila ou bien istawa bima'na Istaoula. Et Cheikh Ibn Baz, dans le Sharh al-Wasitiyya, il a rapporté une belle parole. Il a dit qu'il se base sur un vers de poésie. Et ils disent que, hein, voilà, ça fait partie de la parole des Arabes. Cheikh, il dit, premièrement, c'est Al-Akhtal qui a rapporté ça, c'était un chrétien. D'accord? Et deuxièmement, que cet isti'amal-là, il n'est même pas connu chez les Arabes. Et ce sens-là, pour Istawa, il n'est pas connu chez les Arabes. Ça n'existe pas dans la langue arabe. Donc, faire attention, c'est que, non seulement, des fois, il revendique, c'est pour ça que Cheikh, il était précis, il a dit quoi? Il a dit, il yaz'umoun. Il prétend qu'il se bat sur la langue des Arabes. Ça, c'est un exemple qui illustre bien la chose, c'est que faut pas vous laisser avoir. Ils disent, ouais, mais oui, istawa, c'est avec istawla, et puis vous rapportez un, ça fait très savant, hein, il rapporte un bayt shi'ri, etc. Et toi, tu es là, tu te dis, bah, peut-être qu'il a raison. Non, l'istiwa ma'loum. Hein? Même dans la langue des Arabes, l'istiwa est ma'loum. D'accord? Et Cheikh, il dit, en se basant sur la langue des Arabes ou toute autre chose parmi les analogies perverses. Cheikh, il continue en disant, Amal Imam Ahmed, je vais déjà traduire ce passage-là, je n'ai pas fini. Tandis que l'imam Ahmed et ceux qui l'ont précédé parmi les compagnons et les successeurs des compagnons, Tabi'un, et les imams de l'islam, la religion à laquelle ils s'accrochent, c'est le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est surtout dans le domaine de la croyance. Ils ne sortent pas de cela, incha'Allah. Et il y a en cela la voie de guider droite. Cheikh, il continue en disant, parce que l'imam Ahmed, il a commencé son livre comme ça. On essaie petit à petit de le mémoriser, peut-être. Il y a des frères qui veulent le mémoriser. Et qui veulent peut-être le lire au début de chaque cours. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais ça peut être nous motiver les uns les autres. Ils sont le bienvenu. Usul sunnati indana, qu'est-ce qu'on a dit ? Atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, wa liqtida'u bihim. Et c'est ce passage-là qu'il va expliquer ici. Et les prendre pour modèle, pour exemple. Et il dit, wa liqtida'u bihim, liqtida'u bi ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa humul qudwa, wa humul uswa. ويشير إلى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا حديث كي rapporte dans Sunan Tirmidhi et dans Sunan Abi Dawud. Devinez quel chapitre dans Sunan Abi Dawud? Kitab al-Sunna, comme on a parlé tout à l'heure, d'accord? Hein? Regardez le titre du chapitre aussi de Sunan Tirmidhi. Kitab al-ilm an Rasulillah صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. وقال حسن صحيح يعني الترمذي. سنن أبي داود كتاب السنة باب في لزوم السنة. chapitre de s'accrocher à la sunna. سنن ابن ماجه باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. chapitre du suivi de la sunna des califes bien guidés. évidemment qui va citer dans le tahqiq ici. قال شيخ الألباني رحمه الله صحيح. شيخ الألباني رحمه الله il a jugé authentique. Et il est rapporté aussi dans Moussa l'imam Ahmed. Qui fait partie des correcteurs de Moussa l'imam Ahmed? Ahmed Shakir, rahimahullah, le grand savant. Tahqiq Ahmed Shakir ou Hamza Zin, il rapporte un autre nom. Mousnad l'Irbad ibn Sariya, hadith 17079. Donc, Cheikh, il dit, prendre pour modèle les compagnons de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont le modèle et ils sont l'exemple. Il fait allusion au hadith dont la traduction du sens est suivez ma sunna et la sunna des califs bien guidés et droits. Accrochez-vous-y fermement. Ça, c'est une traduction littérale, vous pensez, ou c'est une traduction, on va dire, du sens, hein? Addu alayha bin nawajid. C'est une traduction du sens ici. Or, si on veut traduire de manière littérale, pour mieux représenter, pour mieux, qui va donner plus de force à la parole, c'est quoi? C'est mordez-y avec vos, hein, vos molaires. En français, on dit mordre à pleines dents, hein? D'accord, c'est-à-dire avec les molaires. Quand on mord avec les molaires à l'arrière ici, est-ce qu'on lâche? Hein? On lâche pas. C'est pour ça qu'on traduit ici de manière plus... qui va plus dans la linguistique, on dit accrochez-vous-y fermement. Et comme j'ai dit, c'est un hadith jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ainsi que le hadith, il rapporte un deuxième hadith. Hein, où Cheikh, l'imam Ahmed... Pourquoi Cheikh Rabi'i dit ça? Allez, je vous fais participer un peu. Pourquoi l'imam Ahmed, pourquoi Cheikh Rabi'i dit ça maintenant ici? Et pourquoi l'imam Ahmed, pourquoi Cheikh Rabi'i dit ça? Il a parlé la parole par l'imam Ahmed, puis il rapporte des hadiths. Pourquoi? Ça, tu parles de l'authentification du hadith, c'est juste. Et c'est pour ça que Cheikh a rapporté l'authentification de Cheikh Al-Albani. Parce que certains des gens de l'innovation des sectaires, les Hizbiyoun, ils disent quoi? Non, mais le hadith, il n'est pas sahih. Or, il est sahih. Ça, c'est un point. Mais moi, ce que je veux savoir ici, c'est pourquoi Cheikh Rabi'i, il a rapporté la parole de l'imam Ahmed. Puis il a utilisé un mot en arabe qui doit vous donner la réponse en moment et il a apporté des hadiths. Exactement, c'est ça que je voulais entendre. C'est quoi? C'est que Cheikh Rabi'i, il rapporte et dit Yushiru la hadith pour dire que l'imam Ahmed, il ne parle pas de lui-même, il parle avec la sunna. Hein? Et c'est pour ça, Usul sunnati indana. Il parle avec la sunna. Il a rapporté, il dit وكذلك حديث الفرقة الناجية حينما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Ce hadith, il est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, Kitab al-Iman, Bab Maja'a fi iftiraq hadhihi al-ummah. Donc, s'il y en a qui vient vous dire, ouais, mais la communauté ne va pas se diviser, il y a un chapitre dans Sunan al-Tirmidhi qui s'appelle Chapitre de ce qui a été rapporté sur la division de la communauté. Et Cheikh al-Albani, il a jugé ce hadith Hassan. Et donc, Cheikh, il dit, il rapporte ce deuxième hadith qu'on va traduire maintenant, il dit. Ainsi que le hadith du groupe sauvé. C'est un hadith qu'on appelle hadith al-fiqh al-najiyah. Hadith du groupe sauvé. Lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a informé que cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous en enfer sauf un. Ils dirent alors, lequel ? Il répondit, ceux qui sont sur quoi moi je suis et mes compagnons. Hadith jugé Hassan par Cheikh al-Albani, comme on l'a déjà dit. Et puis il va rapporter encore un autre hadith. Il dit, ثم قال أيضا في حديث آخر عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون. Ce troisième hadith qui s'est cité, c'est un hadith dans Sunan Ibn Majah, dans l'introduction. Bab ittiba' sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Et Cheikh al-Albani l'a jugé hadith sahih. Dans Musnad l'imam Ahmed, avec le tahqiq d'Ahmed Shakir aussi, et c'est un peu plus loin que le hadith qu'on a cité avant, 17077. Et Cheikh al-Albani, pour les frères qui ont cité le hadith sahih à la maison, il a rapporté dans Sahiha avec le numéro 937. Donc, dans le troisième hadith ici que Cheikh Rabi' cite, il dit « Je vous ai laissé sur la voie claire. » Donc, c'est le prophète A.S. qui parle. « Je vous ai laissé sur la voie claire dont sa nuit est comme son jour. Hein, » ce qui illustre le fait qu'elle est quoi ? Elle est claire. « Ne s'en égarera que celui qui est voué à la perdition. » Et comme on a dit, ce hadith, il est jugé sahih, authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh, il continue en disant « فالصحابة تمسكوا بها ولن نجد فيهم هالكا إن شاء الله وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر عصر الصحابة وكذلك في أوساط عهود التابعين ثم انتشرت البدع فبدأت فرقة الخوارج والروافد الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه فأرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم ثم بعد ذلك سلوا السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم ينتطح في ذلك قرنان. هنيك بخشونا غاب هل ينتطح فيها قرنان c'est quoi littéralement c'est y a pas de on va dire quoi de ramure hein de cornes hein qui vont se cogner ou s'entrecogner sur ce point-là, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de divergence. C'est une expression en arabe pour dire qu'il n'y a pas de divergence, pour montrer qu'il y avait ijma' de sahaba à l'époque. C'est une expression en arabe, c'est important d'apprendre un peu aussi ce genre d'expression. Donc on a dit quoi ici ? Les compagnons s'y sont donc accrochés, attachés. Et nous n'avons trouvé parmi eux aucun voie à la perdition, par la grâce d'Allah. Et certains se sont égarés après eux. C'est-à-dire à la fin de l'époque des compagnons, ainsi qu'au milieu des époques des successeurs qu'on appelle At-Tabi'un. Puis les innovations religieuses se sont répandues et sont apparues, le groupe des Khawarij et les extrêmes Rawafid, Rawafid Ghulat, à la fin du califat de Ali radiallahu anhu arda. Ali, qu'est-ce qu'il a fait avec les Khawarij ? Il leur a envoyé qui ? Habr al-Umma, hein, qui est Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, afin qu'ils débattent avec eux. Et si je me souviens pas, vous me corrigez si je me trompe, certaines riwayats, elles disent que quoi, qu'il y a 2000 personnes hein, qui sont revenues de 6000, hein, qui étaient avec les Khawarij. Puis ils sortirent leurs épées contre les musulmans, Ali les combattit. Alors il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, mais pourquoi il les a combattus ? Mais Cheikh nous donne la réponse. Comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait ordonné de faire. En arabe ici, comme amara bidhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez la suite. Wa ajma'a ala dhalika man kana fi 'ahdi min as-sahaba. Ça c'était pas un point, il y avait divergence entre les sahaba le fait de les combattre. Hein? Donc je répète cette phrase là, il leur envoya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma afin qu'ils débattent avec eux, puis ils sortirent leurs épées contre les musulmans, Ali les combattit donc radhiyallahu anhu arda comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de faire. Et tous les compagnons qui étaient à son époque étaient unanimes à ce sujet. Aucun d'entre eux ne s'opposa à cela. Il n'y eut aucune différence à ce sujet. Cheikh, il dit, الشاهد أن الاقتداء بالصحابة فيه النجاة، هو سفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Donc Cheikh Rabi, il termine ce premier passage-là du livre en disant, حفظه الله تعالى. Et ce qui est à retenir ici, le shahid, ou si vous voulez, le témoin argumentatif ici, ce qui est à retenir ici, c'est qu'il y a dans le fait de prendre pour modèle les compagnons, il y a quoi là-dedans? Eh bien, il y a le salut, al-najah. Car ils furent les témoins de la révélation. Et ils prirent la compréhension du Coran, de la Sunna, et leur mise en application du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est important de garder bien en tête que quoi que les sahaba, ils étaient là. Ils ont pris la religion directement du meilleur des enseignants, de celui qui recevait la révélation. Le prophète, alayhi wa sallam, qui ne parlait pas par passion, mais il recevait la révélation. Et donc, ils ont vu cette révélation, ils ont été les témoins de cette révélation, ils ont été les témoins aussi de quoi? De la mise en application de cette révélation. Et c'est pour ça qu'ils sont les plus savants de cette communauté concernant cette révélation après le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Cheikh il dit ils furent les témoins de la révélation et ils prirent la compréhension du Coran et de la Sunna et leur mise en application du messager d'Allah salatu wassalam. Et ça c'est un point que Cheikh l'Albani rahimahullah il rapportait très très souvent dans ses cours, surtout quand il parlait de salafiyya, quand il apportait toute l'argumentation sur l'obligation de se revendiquer salafi et qu'en vérité on n'a pas le choix de suivre cette voie là pourquoi? Il montrait l'obligation de revenir à la compréhension des salafs. Il rapportait plusieurs exemples qui sont très connus de Cheikh l'Albani rahimahullah, et parmi eux c'était lequel? L'application du Coran de la Sunna. Par exemple, le fait de quoi? La sentence de couper la main au voleur. Il a dit voilà, la main dans l'aura. Il a dit amenez Sibawé de cette époque, il va demander lui la main. Mais où est-ce qu'on la coupe? On la coupe au poignet, on la coupe au coude, on la coupe à l'épaule. Comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, la compréhension des sahaba, elle est là. Parce qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquer ses sentences. Ils ont su comment il a fait. Ils nous ont rapporté cela. D'accord? Donc c'est important de bien comprendre ça, qu'ils étaient les témoins de la révélation. Et c'est pour ça que vous voyez que Shia, ils s'attaquent à eux. Parce qu'ils en ont après la sunna. Parce qu'ils sont les porteurs de cette sunna-là. Ils sont le lien à la chaîne de transmission. Parce qu'aucun d'entre nous n'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'était les sahaba et les gens après eux qui nous ont rapporté cette sunna, comment on aurait connu cette sunna? Et comment on aurait su comment l'appliquer cette sunna? Cheikh il dit, ils sont donc un modèle. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Il ne s'est pas arrêté. Et Cheikh Al-Bani, il utilisait souvent ce genre d'argument, ça aussi, quand il rapportait le verset. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ Non, c'est lequel verset qu'il rapportait? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ أَحْسَنْتَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Et puis, est-ce que Allah Azza wa Jalla, où il a continué? وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est ça, il s'est regardé le hadith ici. C'est sur quoi je suis moi et mes compagnons. Et qu'il dit, alayhi salatu wassalam, suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés. Et certains explicateurs du hadith de l'Irwad ibn Sariya, ils ont montré une faïda. Ils ont dit que, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin addu alayha. Ils n'ont pas dit alayhima. Pourquoi? C'est-à-dire que dans le pronom personnel qui est utilisé ici, attachez-vous-y, en français qu'on va traduire tout simplement comme ça, mais en arabe c'est précis ici. Attachez-vous à cette sunna, yani une sunna, alayha, wahida. Il n'a pas dit alayhima, il n'a pas utilisé le duel, ce qu'on appelle le duel en anglais, en arabe le muthanna, pour montrer que quoi, que alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin, addu alayha. Attachez-vous-y à cette sunna pour montrer que la sunna des califs bien guidés, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On commence peut-être, inshallah, aujourd'hui le début du chapitre suivant. On va faire peut-être une page et deux lignes et on s'arrêtera à ce moment-là, inshallah, et on continuera pas samedi prochain parce que je pars en voyage, inshallah, mais peut-être le samedi d'après, donc dans deux semaines, inshallah. Donc on rapporte ça. Maintenant, c'est le titre, c'est Ijtinabul bida'i, Ijtinabul bida'i wal hadaru minha. Pourquoi? Parce qu'il a dit wa kadhalika min usul wa tarkul bida'. Parce que la suite du texte, c'est ça, wa tarkul bida'. Ijtinabul bida'. Lian al bida'a fiha al halak. وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار. Et ça, faire attention, c'est important de comprendre ça ici, c'est qu'il y a une menace de l'enfer. Parce que souvent les hizbines, on entend ça, ils disent, ouais, vous, le groupe sauvé, déjà ils nous appellent le groupe sauvé. Et ils disent, ouais, vous dites que les gens sont en enfer. Regardez la parole du cheikh, il dit, توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار. C'est ce qu'on appelle les textes de menace. C'est-à-dire qu'ils sont menacés d'être dans l'enfer. لِأَنَّهَا سَلَكَتْ سُبُلَ الشَّيَاطِينَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ الآية. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. Et Cheikh dit ici que ce hadith, il est dans Musnad l'Imam Ahmed, Musnad ibn Mas'ud. Pourquoi il dit Musnad ibn Mas'ud? Parce que dans le Musnad l'Imam Ahmed, et c'est le type, la caractéristique de Masanid, c'est qu'ils sont basés par chapitre selon les rapporteurs. T'as Musnad, si vous voulez, ibn Mas'ud, c'est-à-dire tous les hadiths qu'ibn Mas'ud a rapporté. Abdullah ibn Abbas, Aisha, et comme ça. Donc c'est pas classé par l'Abwab al-Fiqhiyya, par chapitre concernant les sujets, par exemple, al-Tahara, al-Sala, etc. D'accord? Mais c'est le hadith 4143 et Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah, il a dit wa isnaduhu sahih, et sa chaîne de transmission est authentique. Et si je me souviens bien, vérifie, il est aussi dans Moussadrak l'Imam Hakim. Cheikh il dit donc s'écarter des innovations religieuses et être sur ses gardes quant à ces innovations fait également partie des fondements et le délaissement des innovations, c'est-à-dire se tenir à l'écart, s'éloigner des innovations religieuses, al-bida', car il y a dans les innovations la perdition, al-halak. Et ces groupes qui sont tombés dans les innovations religieuses ont été menacés par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant tous en enfer, car ils ont tous suivi les voies des démons. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. » Sourate Al-An'am, verset 153. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, traça une ligne droite au sol et dit, après avoir récité ce verset, « Ceci est la voie d'Allah. » Puis il traça à sa droite et à sa gauche des lignes et dit, « Ceux-là sont les sentiers, à la tête de chacun de ces sentiers, un démon qui y appelle. » Et si je me souviens mal à la suite du hadith, il dit, « Man ajabahum qadafuhu fiha. » C'est-à-dire celui qui répond à leur appel, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire les démons? Ils vont l'y pousser, l'y jeter.